Chapitre 5e, première piste. Il se rendit rue de Paris à l'ancienne maison de santé du docteur Castel. C'était une assez jolie villa avec un grand jardin. Il sonna. Une bonne va lui ouvrir. Il demanda à parler au propriétaire actuel. On l'introduisit dans un salon meublé très coquettement où il fut reçu par un jeune homme. Il répéta ce qu'il avait dit au secrétaire de la mairie, se donnant comme l'oncle d'Allègre, le pensionnaire du docteur Castel. Mais dès les premiers mots, le jeune homme l'arrêta. « J'ai acheté cette maison, dit-il, non au docteur, mais au notaire qui l'avait chargé de la vente. Je ne puis vous fournir aucun éclaircissement. »« Vous ne savez pas où demeure maintenant ce docteur ?»« En aucune façon. Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous être utile. Mais vraiment, je ne sais absolument rien. »« Excusez-moi de vous avoir dérangé, » dit Mongin en portant la main à son chapeau. « Oh, il n'y a pas de mal, » répondit le locataire de la villa en refermant sa porte. « Rien à faire de ce côté, » se dit l'inspecteur, déçu. « Voyons si avec les témoins, je serai plus heureux. » Le facteur Jalin demeurait dans la même rue et à deux pas de là. Il se rendit chez lui. Mais le facteur était à faire sa tournée et ne devait rentrer que dans 2 heures. Le policier annonça qu'il reviendrait et se fit indiquer la rue des Bourguignons où habitait le second témoin, le menuisier Boyer. Il fut reçu par la femme à qui il exposa le motif de sa visite. Au premier mot, il remarqua qu'elle paraissait contrariée. Aussi, exagérant sa surdité, il affecta de lui faire répéter 2 et même 3 fois chacune de ses réponses. « Hein ? » faisait-il. « Je vous demande pardon, ma bonne dame, je suis un peu dur d'oreille. » Boyer rentra. Se fiant à la surdité prétendue du visiteur, sa femme ne se gêna pas pour lui donner son avis sur la conduite à tenir. « Défie-toi et tiens ta langue, n'en dis pas plus qu'il n'en faut, » recommanda-t-elle. « Bon, » pensa l'inspecteur, « ici je serai bien malchanceux si je n'apprends pas quelque chose. » Heureusement, le menuisier était bavard, et comme le père Mongin lui paraissait un esprit peu retors, il ne se défia pas de lui. « Le docteur Castel !» s'écria-t-il. « Ah, monsieur, quel brave homme ! Un philanthrope, un vrai philanthrope, celui-là. Il avait monté une maison de santé pour les tuberculeux, et il les soignait avec un dévouement admirable. Les guérissait-il ? Demanda l'inspecteur d'un air naïf. Hélas, non. Il avait compté sur l'air pur, vivifiant de notre jolie vallée, mais rien n'y faisait. Ces gens-là, voyez-vous, c'est condamné d'avance. Il a exercé longtemps, 2 ans seulement. Puis il a eu la chance d'avoir un petit héritage. Il a quitté Meudon pour retourner dans son pays. « Quel pays ?» demanda Mongin. « Tiens un peu ta langue !» ordonna à demi-voix Madame Boyer. Mais l'inspecteur l'avait entendu, il dit « Oh, je vous demande cela par pure curiosité. Je n'ai point l'intention d'aller déranger ce brave docteur. Que m'apprendrait-il ? Rien que je ne sache déjà. Mon pauvre neveu est mort. Tout ce que je pourrais dire ne le ressusciterait point. L'avez-vous connu avant sa mort, mon neveu Antoine Allègre ?»« Je crois l'avoir aperçu en allant faire des travaux dans la maison. » Un petit, maigre, sec comme une allumette. C'est bien cela, dit l'inspecteur qui, en comparant ce portrait avec celui du véritable Antoine Allègre, eut du mal à réprimer un sourire. Et est-il resté longtemps ici ? Pas plus de 2 mois. C'est autant que je m'en souvienne dans le commencement d'avril qu'il avait été amené par M. Ringade. Tu parles trop, grogna encore la femme. Monsieur qui ? Interrogea le phoque en se faisant de la main un tuyau comme pour mieux entendre. Un médecin, sans doute. « Oui, dit Madame Boyer, le docteur Ringade, qui demeurait à Lyon, il est mort depuis 2 ou 3 ans. « Va toujours, ma commère, pensa l'inspecteur, t'en sais plus que tu n'en veux dire. Mais j'ai déjà un nom qui me servira. « Je vous fais perdre votre temps, dit-il en se levant. Veuillez m'excuser. Je vais me retourner dans mon pays avec l'acte mortuaire de mon pauvre neveu. Bien le bonjour, monsieur et madame. « Bon voyage, monsieur, s'écrièrent les deux époux. Le phoque s'en alla, s'appuyant sur son bâton, et gagna la gare.